Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du Passeur Critique Transmission. Merci beaucoup pour les retours suite à notre première émission, ça nous a fait très plaisir. Et aujourd'hui, de nouveau, nous sommes là avec Lucien Alflantz. Bonjour. Et Manuel Haas. Salut. Et moi-même, donc Olivier Grinard, tous les trois rédacteurs au Passeur Critique. Et donc, nous allons vous parler aujourd'hui de The Revenant, de Alejandro González Iñárritu, favori pour les Oscars dans quelques jours. De Hail Caesar des frères Cohen, qui a fait l'ouverture de la Berlinale, et aussi de The Assassin de Hu Xiaoxian, qui a obtenu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Peut-être que certains pensent qu'il aurait mérité la Palme d'Or, on le verra ce soir autour de cette table. Mais que nenni de festivals et de Oscars ou de César, on ne vous parlera pas vraiment de ça aujourd'hui, puisqu'on va parler uniquement de cinéma. Donc, comment se passe ce début d'année cinéphile, les amis ? Bah, c'est un plutôt bon début d'année cinéma. C'est pas aussi flamboyant que l'année dernière, mais on a quand même plusieurs grands cinéastes qui sortent des films assez importants ou assez intéressants. Tous sont pas les rendez-vous qu'on attendait, mais c'est plutôt une bonne tenue pour cette année, quoi. Pour ma part aussi, il y a quelques films qui m'ont plu, voire beaucoup plu. Bah, voilà. Vous avez de la chance, moi, je trouve, les gars, parce que depuis le début de l'année, moi, franchement, à part Carole de Todd Haynes, dont on a dit tant de bien dans le précédent podcast, je suis allé voir Spotlight, je me suis fait chier comme un rat. Je suis assez déçu aussi du premier épisode de Vinyl de Martin Scorsese, Mick Jagger et Terrence Winter. Mais bon. L'a pas vu sous coque comme Lucien, c'est pour ça, quoi. Voilà, ça doit être ça. Mais bon, je suis content parce que dans quelques jours, il va y avoir le festival Offscreen qui commence à Bruxelles pour 3 semaines. Donc le festival Offscreen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de l'étrange festival, mais à Bruxelles. Et c'est un peu en banlieue parisienne, d'une certaine façon, quoi. Oui, quelque part. Donc on est content parce que ça va un peu secouer les mirettes, les films hors normes, les films bizarres, les films un peu des outsiders, comme ça. Voilà, et donc cette année, Lucile Hadzialilovic ouvrira le festival avec Evolution, il y a une rétrospective qui lui est consacrée. C'est Ben Wheatley, le réalisateur britannique de Tourist et aussi Kill List, qui clôturera le festival avec son nouveau film qui s'appelle High Rise, qui est une adaptation de J.J. Ballard. Il y aura aussi le nouveau film de Kolimowski, dont on vous parlera bientôt sur Le Passeur, et il y a toute une rétrospective qui a l'air très très alléchante sur la folie féminine à l'écran, où on pourra voir Possession du récemment disparu Zulawski, il y aura Qu'est-il arrivé à Baby Jane, il y aura Safe, le deuxième meilleur film de Todd Haynes. Trouble Every Day de Claire Denis. Exactement, Trouble Every Day. Et surtout Labyrinthe, Lucien. Et surtout Labyrinthe, ce chef-d'œuvre. Mais pas Labyrinthe ne sera pas dans le cadre de cette rétrospective dédiée à la folie féminine. Il pourrait pourtant. Hein. Il y aura Soudain l'été dernier aussi, de Mankiewicz, vraiment des films de tous horizons, des films de Jess Franco également. Et tu oublies un des grands invités du festival. Parce que l'année dernière, le festival, c'était payer le luxe d'inviter Toby Hooper. Cette année, c'est un réalisateur un peu moins connu, qui a un peu disparu des écrans. On n'a plus trop de nouvelles de lui depuis 2008, avec la sortie de Sex Addict, Bad Biology, qui avait, je crois, eu un prix à Gérard May. Et là, il revient avec son tout nouveau film de fiction. C'est un cinéaste justement qui s'est toujours revendiqué comme un cinéaste d'exploitation. Il entretient un petit peu des relations avec ce qu'on peut voir dans ce qui se fait chez Trauma, mais sans le côté parodique. Vraiment un cinéma assez malaisant, mais avec un profond amour pour les tarés, pour les freaks. Et c'est typiquement un cinéaste qui a sa place au off-screen, parce que c'est un type de cinéma qu'on ne verra plus et qu'on ne voit plus sur les écrans aujourd'hui. Mais en parlant de déviance, on parle de déviance, mais Lucien, tu as un film à nous présenter, tout aussi déviant. Au moins aussi déviant, je dirais. Qui est donc Labyrinthe, avec David Bowie et Jennifer Connelly, produit par George Lucas, avec plein de petits gnomes, de petits lutins. Un petit lutin dont le maître est David Bowie, dans un costume et une coupe de cheveux particulièrement attrayante, qui pourchasse dans ses rêves une jeune fille interprétée par Jennifer Connelly, qui elle-même pourchasse aussi son petit frère, son petit lutin à elle, son petit frère, dont elle souhaitait la mort, et qui lui-même est un bébé plutôt plutôt suicidaire, névrotique, psychotique, je ne sais pas exactement. Mais en fait, je plaisante, mais c'est une occasion pour moi de parler d'une de mes idoles, qui est David Bowie, qui n'a pas eu peut-être la carrière d'acteur, mais aussi de réalisateur dont il rêvait et qu'il aurait peut-être mérité. Je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est un immense artiste, à mon sens. Mais on peut quand même relever Furio de Shima, L'homme qui venait d'ailleurs, de Nicolas Roeg, ou, pour faire plaisir à notre tant aimé rédacteur en chef, Les Prédateurs de Tony Scott, un autre grand artiste disparu. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que dans quelques mois, la Cinémathèque Royale de Bruxelles consacre une rétrospective à la carrière de David Bowie à l'écran, avec notamment toutes ses apparitions très courtes, Twin Peaks, Fire Walk With Me, Basquiat, dans le rôle d'Andy Warhol, sur lequel il a écrit une magnifique chanson. Pour résumer, au festival Offscreen, plein de films déviants qui ont heurter nos rédacteurs dans leur enfance, des films qui vous heurteront aujourd'hui dans vos soirées, des films avec des femmes folles, des films avec Isabelle Adjani qui accouche de verre de lait dans le métro. Et tout de suite, on parle de tout à fait autre chose, puisqu'on va commencer tout de suite avec le film des frères Cohen, Abbé César. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them. And action. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... If we had... Faith, cut. Maintenant, dans la série, que sont nos héros devenus ? Les frères Cohen, qui signent donc Ave César, dont la très bonne idée, je trouve, est de donner le rôle principal à Eddie Mannix. C'est un fixeur. Il s'assure que les stars sont là pour terminer leur film. Évite qu'elle baise à trop à droite à gauche, ou que ça se sache, en tout cas. Et donc, là, cette fois-ci, il a un problème, qui est que Baird Whitlock, qui est interprété par George Clooney et qui joue dans la superproduction Peplum. Dans Bénure, disons-le. Voilà, dans Bénure, et qui pour la quatrième fois joue un grand idiot lunaire chez les Cohen. Est enlevé par un syndicat de figurants, on va dire ça comme ça. Des communistes. Qu'avez-vous pensé de ce film des frères Cohen ? Moi, j'aime beaucoup le film. J'ai vraiment pris mon pied de la première minute à la dernière minute, malgré que le film puisse se percevoir comme un enchaînement de bonnes idées. Enfin, les bonnes idées ne sont pas spécialement bien connectées. Ça tire presque à certains moments vers le film à sketch. Mais dans l'ensemble, pour moi, il y a quand même vraiment des scènes, des personnages, des acteurs, des idées de cinéma qui sont formidables. Mais bien sûr, c'est là où ils s'éclatent. C'est qu'ils font vraiment, ils rendent hommage au cinéma et à la manière de le faire. C'est isolé, mais quand ils le font vraiment directement, ils s'éclatent. Quoi. Quand ils font les deux scènes de comédie musicale... Elles sont super belles, elles sont extrêmement bien chorégraphiées et ils mettent en valeur vachement en plus le travail des danseurs, parce qu'elle n'est pas montée telle qu'on le voit dans un film hollywoodien. Donc il y a vraiment la volonté de montrer un petit peu de manière plus ample la virtuosité de ces gars-là. C'est un film des Cohen, un petit film des Cohen, un film mineur, mais on sent quand même le talent des gars qui est hallucinant. Oui, mais c'est ça. Mais après, c'est le truc un peu paradoxal, c'est qu'avec le casting, on s'attendait peut-être à un grand film des Cohen sur Hollywood, et au final, c'est un petit film récréatif, après des sacrés gros films qui nous ont fait ces dernières années. Donc, des chefs-d'œuvre. Hein. Ne cachons pas le mot. Donc voilà, la déception, elle vient un petit peu de là, c'est... Ce côté, c'est juste un film extrêmement plaisant, où chaque scène souvent fait mouche. Mais moi, il y a une scène un petit peu qui est un peu à l'image du sentiment que j'ai sur le film, qui est la grande séquence de fin, qui est largement montrée dans la bande-annonce du monologue de Clooney, qui fonctionne extrêmement bien, où tout d'un coup, il y a Clooney... Cette scène est géniale. Elle est aussi émouvante qu'il la rentre. Quoi. Ça monte, et bam, il y a cette rupture, et ça vire complètement loufoque. Le problème que j'ai, c'est avec la rupture, justement, parce que cette scène, elle monte, tout le monde est sidéré par le monologue de Clooney, ça finit avec un raclement de gorge de Clooney, et la scène se finit, et c'est un peu moins à l'image du film, un grand plaisir, une montée comme ça en puissance avec plein de scènes, et puis à la fin, circuler, il n'y a rien à voir. Le plus gros problème que j'ai avec le film, c'est je suis sorti du film, merde, c'est terminé. C'est un film à prétexte, mais le prétexte en question est tellement bon que moi, je lui pardonne beaucoup de ses défauts. Ce que je trouve assez savoureux, c'est le casting de Clooney, parce que cette séquence où il se fait convaincre par une assemblée communiste, cette grosse star un peu bête, qui tout d'un coup revient après son enlèvement au studio et explique qu'on est un petit peu des agents d'un discours dominant, il se fait claquer la gueule par Brolin, qui lui dit, mon coco, toi, t'es une star, tu retournes sur le plateau et tu vas faire ton boulot, ça suffit des conneries, elle est assez jouissive, avec le sous-texte qu'il y avait Clooney. Elle est jouissive, même si découpée, je trouve assez pauvrement, cette scène. Je trouve que les frères Cohen, je trouve que leur mise en scène, quand ils sont justement, quand ils doivent faire avancer quelque part un petit peu leur narration, quand ils sont vraiment sur leur histoire principale, leur découpage et leur inspiration semblent, pour moi, se tarir un peu. J'ai l'impression que les cadres sont souvent un peu vides. Je retrouve pas la fluidité et l'invention d'avant. Je trouve qu'ils tirent un peu à la ligne sur tous les trucs qui sont justement destinés à faire avancer le récit. Les seuls moments où ils s'éclatent, c'est les moments où ils font directement de la référence aux 50s. Tu parlais de la scène de comédie musicale avec les matelots, là. Quand tu vois le nombre de détails, quand tu es dans les plans larges, tu vois les décors qui se divisent au sol pour laisser avancer la caméra. C'est vachement beau, justement, tout ce travail d'artisan, où il y a vraiment... Parce que les Coen, ça a souvent fonctionné sur un peu un jeu sur les codes du cinéma hollywoodien, la façon dont les personnages étaient enfermés dans leurs conditions et comment, chaque fois, ils investissaient des genres très codés du cinéma hollywoodien. Ils n'ont quasiment pas fait, de films contemporains. Pour ainsi dire, à la rigueur, celui qui s'en approcherait le plus, ça serait Ben After Reading, mais ils sont toujours dans cette relecture du cinéma hollywoodien. Et là, l'aspect assez rafraîchissant du film, c'est cet amour, un peu cette célébration de ces mecs qui sont des forains. Vous parliez de cynisme par rapport au personnage et d'amour de leur personnage. Moi, je pense qu'ils ont toujours aimé leur personnage. Le cynisme n'est pas porté sur les personnages, il est porté sur leur art, sur même la manière dont peut-être eux-mêmes font leur cinéma. Et ça, je trouve que c'est une mise en abîme. Ils adorent ça, les mises en abîme, les mises en perspective, les 3 degrés de lecture, etc. Et à ce niveau-là, je trouve que, parce qu'on crache sur l'écriture scénaristique du film, il y a un truc qui est assez fort, c'est que par ce jeu, enfin cet enchaînement de sketch, il y a certains moments, ça marche pas tout le temps, mais il y a certains moments où moi vraiment j'étais perdu. Je ne savais plus si on était dans l'histoire que nous racontent les Cohen ou dans un tournage de film. Il y a la séquence qui est extrêmement forte de ça, c'est de l'enlèvement. L'empoisonnement qui est montré au départ comme une scène de film, et tu comprends que la prise n'a pas encore commencé. Il y a plein de va-et-vient comme ça qui sont assez intéressants. Il y a ça, le sous-marin, il y a vraiment 2-3 moments où je savais plus, je me dis merde, on est dans une scène d'un film dans le film, ou est-ce que c'est le film lui-même? Enfin, donc c'est quand même une réussite à ce niveau-là. Il y a juste une scène où il me semble avoir un ton justement un peu différent, qui est complètement dépourvu de cynisme justement, qui est la scène où notre cow-boy Alden Ehrenreich vient chercher la gamine, enfin la fille qui l'emmène sortir. Là, il y a une vraie poésie qui est complètement dépourvue de cynisme. Mais là, justement, il y a quelque chose de chaplinesque dans cette scène-là, qui est très touchant, très poétique et tout à fait direct, quoi. La candeur un petit peu qu'il y a par rapport à ça est assez étonnante, vu le sujet, vu ce qu'on aurait pu attendre avec le personnage de Manix. Et au final, on a un truc qui nous prend un rebrousse-poil, qui est un peu plus candide, un petit peu. Même ça, c'est pas complètement candide, ça reste les Cohen. Mais cet aspect-là est assez étonnant. En fait, plus on en parle, plus je me rends compte que j'ai sincèrement aimé le film pour tous ces personnages. Le film est totalement imparfait, mais il y a vraiment des trucs touchants, amusants, drôles, intelligents. Ah oui, tu passes une super séance. C'est juste pour moi un sentiment de trop peu. Mais ouais, mais voilà, on en parle et on a tous plein de choses à dire sur le film et pas tellement en mal. On dit juste que c'est mal cousu, quoi. Mais sinon, il y a l'écriture est un peu lâche, quoi. Est-ce qu'on n'est pas habitué ça chez les Cohen? Mais on est d'accord, mais après, c'est ça, voilà, on est en train de ne citer que des qualités au film. Donc c'est qu'à un moment, il faut... On peut dire que le personnage de Manix est un peu sous-exploité. C'est peut-être un peu le souci qu'il y a dans le film. Cette absence un petit peu de fin qu'il y a dans le film, elle est aussi, je pense, à l'image du personnage de Manix, où il y a son arc narratif, ses hésitations. Elles sont pas claires, elles sont pas complètement bien amenées. Et je pense que la déception du film, elle vient... pour moi, uniquement de ça, de cette absence d'enjeu et de finalité. J'aurais pas dû vous lancer sur les défauts du film. Je l'ai vu un petit peu, quasiment comme si ils avaient fait un pilote de série télé, en fait. Un monde qu'on allait explorer, mais c'est to be continued. Il y aura peut-être une suite sur le... C'est là que je voulais en venir tout à l'heure en parlant de la scène du dîner. En fait, chaque personnage mériterait un film. Donc c'est sûr, il laisse un peu tomber Manix, mais à côté de ça, il crée tout un tas d'autres personnages qui, pour moi, mériteraient 2 heures par personnage. Donc il y a un moment, il faut... Mais c'est ce que disait Manu il y a 2 secondes. On a un peu l'impression d'un pilote de série télé où on t'a montré plein de personnages très chouettes et tu serais content de les retrouver bientôt, mais... Voilà, le problème, c'est qu'on a eu 1h30 et basta, quoi. Vous aurez compris qu'on est finalement assez positif sur le film des frères Coen. C'est un vrai film récréatif et amusant. Et tout de suite, on enchaîne sur le film de Alejandro González Iñárritu, The Revenant. Safe thing to do is track a new course back up on land. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? I'm talking to you. Un an après Birdman, c'est déjà le retour d'Alejandro González Iñárritu avec The Revenant, grand favori de la course aux Oscars. The Revenant, c'est quoi? C'est l'histoire de DiCaprio, Hugh Glass, qui doit mener un groupe de colons à travers des plaines couvertes de neige. Il est laissé pour mort par ses camarades après avoir été attaqué par un grizzly, alors que il est juste vraiment très blessé. Il est laissé pour mort par ses camarades qui lui font des crasses dans le dos. Alors il décide de sortir de sa tombe de fortune pour aller accomplir sa vengeance. Donc le film d'Iñárritu dure plus de 2 heures. 2 heures et demie, hein, même presque. 2 heures et demie. Et il sépare la rédaction, en tout cas ce soir sur cette table. Ben, moi j'étais agréablement surpris parce que je suis pas très client du cinéma d'Iñárritu. Depuis ses débuts, contrairement à ses compatriotes, que ce soit Cuaron ou que ce soit Guillermo del Toro, sa volonté de s'imposer comme un grand auteur parasitait le plaisir immédiat que je pouvais avoir avec ses films. Et moi, je trouve ce qui est assez brillant, c'est que ce mec-là, qu'on connaissait plus pour du cinéma d'auteur, tout d'un coup, il te fait des séquences d'action complètement inédites, qu'on n'a jamais vu de filmer de cette manière-là. La deuxième séquence du film, il réinvestit complètement ce qui était son cinéma, ce cinéma choral, qui réinvestit au sein d'une scène d'action. On a parlé en long et en large du tournage hyper éprouvant, c'est un peu l'argument promo du film. Mais c'est quand même aussi quelque chose qui est au cœur même du film, ce rapport avec la nature et la manière dont tout est filmé en plan séquence, en lumière naturelle, et qui fait écho au parcours qu'a eu Glass au sein du récit. Il y a à mon avis aussi un travail de revenir à la source de quelque chose de spectaculaire qu'on a un peu perdu dans le cinéma hollywoodien, cet état d'un peu de sidération par rapport à ce que font les personnages à l'écran. Et cette notion spectaculaire, elle est complètement absente de beaucoup de films hollywoodiens. Bon, on a quand même eu Mad Max l'année dernière, mais je pense qu'il y a une même volonté de travailler cet état de sidération par rapport à des choses qu'on voit à l'écran, de manière bien moins flamboyante que Mad Max. Mais il retrouve ce sentiment qu'on a perdu de spectaculaire au cinéma, où aujourd'hui, tous les héros, on frémit plus du tout pour eux. Et je trouve dans ce film-là, ce sentiment d'urgence, on le retrouve vachement. Tu parles de spectaculaire et je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, c'est là que je trouve le film assez intéressant, c'est que le décorum du film aurait pu porter à aller vers encore plus spectaculaire, par exemple dans sa manière de filmer les grands espaces, qu'il filme quasi pas en fait. Ce qui l'intéresse, c'est pas une grande forêt, c'est ce qui se passe entre 4 arbres dans la forêt, c'est pas la montagne énorme, c'est le pied d'un rocher. J'aime sa manière de filmer les choses à échelle plus humaine en tout cas. En fait, je crois que vous devriez toujours vendre les films parce que tout ce que vous dites, je l'ai pas vu ou alors ça m'a posé problème. Le plan séquence d'ouverture. En effet, peut-être qu'on peut y revoir ce qu'il recherche dans les films précédents qu'il a fait. Je pense que tu penses à Babel ou à 21 grammes. Moi, j'ai trouvé cette attaque au début du film, je l'ai trouvé laide à voir. je l'ai trouvé pas très compréhensible. Et je trouve qu'il y a un côté, je te montre des mecs, tu vois, qui sont crades, qui sont moches. Il y a un truc, un côté comme ça, un petit peu freak show. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne, ce côté patibulaire. Il revendique aussi un héritage un petit peu de cinéma italien, avec des trognes, des gueules de cinéma. Ça fait partie des attentes que t'as dans un western. Ouais, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que le film, il se prend plus au sérieux que ça. Tu dis, ouais, il laisse ses intentions de super-auteur de côté. Pas tant que ça, en fait. Il veut quand même faire un film sur la filiation, peut-être sur l'Amérique. T'as ce plan final qui te remet en question comme ça en tant que spectateur. Il assume pas de faire un survival de A à Z. Il aurait fait vraiment un survival assumé, sans nous faire constamment des allers-retours entre Tom Hardy et DiCaprio, parce que ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est l'histoire de DiCaprio. Pour moi, ça aurait mieux fonctionné. Et enfin, le dernier gros problème que j'ai avec The Revenant, c'est que je trouve que la technique est montré en fait. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi, ça me coupe du truc. Moi, j'aurais adoré avoir froid avec DiCaprio, avoir faim avec lui, sentir que ça pue dans le cheval mort. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a une démonstration de virtuosité et moi, ça me coupe complètement. Et il n'y avait pas d'humain, il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas d'émotion. Je suis peut-être celui qui se pose entre vous deux, mais parce que je suis assez d'accord avec Pavel. Moi aussi, il y a certains moments, pas tout le temps, mais certains moments, j'ai vu la démonstration de virtuosité qui a pu à certains moments me sortir du truc, quoi. Mais, comme je le disais plus tôt, il y a d'autres moments, je pense qu'il s'en échappe un peu dans sa manière d'être très près des choses. Il y a des moments comme ça qui fonctionnent vraiment bien. Les moments qui fonctionnent bien sont les moments les plus simples. Mais oui, je suis absolument d'accord. La rencontre qu'il a avec l'Indien, là, c'est le meilleur passage du film. Et c'est tout simple. Il y a deux personnages. Il y a une plaine, il y a un accessoire au milieu, ils se comprennent pas, mais c'est ça qui fait le sel du film. C'est vrai que là où je suis absolument d'accord, c'est que autant j'ai pu être vraiment pris par certaines séquences plus spectaculaires, autant je trouve que les plus beaux moments du film, c'est ceux qui sont filmés le plus simplement, c'est ceux où il se passe presque moins de choses dans le plan. Tu parlais tout à l'heure du dernier plan qui t'a posé problème, que tu trouves too much, qui surlignerait un petit peu le sens qu'il voudrait donner au film. Il a un côté un petit peu too much dans la façon d'appuyer dans ce plan-là, mais il l'appuie uniquement par un regard, c'est pas par du texte. Ce dernier plan-là, il est aussi à l'image du film, du parcours du personnage, de se lâcher prise par rapport à la nature. C'est qui est quand même très beau dans tout le film, dans le processus aussi de fabrication. Toi, tu as ce souci constant de voir la technique constamment dans le film. Moi, je le vois pas, parce que j'ai cet état de sidération et je trouve qu'il colle complètement au basque de ces personnages. Pour moi, il n'y a aucun souci de dialectique à faire l'aller-retour constamment entre la technique, l'immersion. Pour moi, il n'y a pas d'un côté un cinéma qui te mettrait à distance par sa technique et qui t'empêcherait d'avoir une immersion. Le petit problème que j'ai, moi, peut-être par rapport au film, c'est tout ce qui a trait à la manière dont est montré le trauma originel de DiCaprio, qui se veut montrer de manière poétique, parce que ce trauma-là, c'est le trauma qu'il a dans Inception, c'est le trauma qu'il a dans Shutter Island, et je trouve ça nuit à la tâche qu'on a au personnage. Ici, c'est de la virtuosité pour être de la virtuosité. Tu vois la technique. D'ailleurs, tu vois même la buée qui se colle à l'écran. J'y vois pas quelque chose de si ostentatoire que ça. Ce plan buée qui a l'air de t'en faire parler les gens, c'est tout simplement une idée poétique pour relier les deux personnages avant que la traque commence entre les deux, d'amorcer un virage dans le récit. Je pense que c'est un film où Iñárritu va vers la simplicité, enfin, va vers plus de simplicité qu'avant. On est dans quelque chose de plus classique et de plus, par là même, de plus percutant, de plus fonctionnel pour moi. Tu reproches ce côté courte focale, d'où les gueules patibulaires. C'est pour moi aussi le propos du film et la façon de le filmer, d'avoir toujours dans le cadre ces personnages-là en gros plan, d'être plus proche des acteurs et à la fois d'avoir le décorum derrière. La scène de fin de duel au couteau entre Tom Hardy et DiCaprio, elle est magnifique, avec le ciel qui se lève à l'arrière-plan. À la fois, tu es dans un truc extrêmement brutal avec ces deux personnages et tu as l'immensité de la nature derrière. Moi, je trouve justement, à l'inverse de toi, ce qui m'a intéressé, enfin, ce que je trouvais intéressant de la part d'Iñárritu, c'est ta manière de s'intéresser à des petites choses dans cette immensité. Il filme assez peu, par exemple, il y a beaucoup de scènes en forêt, il filme assez peu la forêt de manière majestueuse comme ça, et plutôt la boue entre quatre arbres, la relation directe entre l'homme et la nature, et pas, et pas un truc, je veux dire, plus philosophique de l'homme dans l'immensité, de, enfin, tu vois. Et ça, il le fait un peu, mais absolument. Mais je trouve, ce que je dis, c'est que je le trouve plus intéressant quand il s'éloigne de ça et qu'il va même plutôt vers l'inverse. Bon, vous aurez compris que on n'est pas forcément d'accord sur ce film d'Iñárritu avec notre ami Leonardo DiCaprio. C'est comme une expérience à vivre, qu'on accroche ou non. Voilà, c'est une proposition de cinéma en tout cas qui est relativement singulière, qui est probablement le meilleur film, un des meilleurs films d'Iñárritu. Personnellement, moi, je pense que c'est son meilleur film. Et donc nous allons enchaîner avec The Assassin de Wu Xiaoxian. Et on termine ce deuxième épisode de transmission avec The Assassin de Wu Xiaoxian, qui a donc remporté le prix de la mise en scène à Cannes au dernier festival. C'est l'histoire d'une fille qui... Je sens qu'Olivier va avoir beaucoup de mal à résumer l'intrigue d'Assassin. Chouki, je pense qu'on va arrêter de dire... On va essayer de dire Chouki un maximum. C'est un film avec Chouki, avec Wu Xiaoxian, et c'est un film de chevalerie. Je pense qu'on peut résumer à ça. Donc, c'est la Chine médiévale. Et Chouki a été entraînée pour devenir une assassin d'élite. Et elle se retrouve avec la mission d'aller tuer son cousin. En fait, elle est un peu mise à l'épreuve pour savoir si ses sentiments prennent trop part sur sa mission. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? C'est un film qui peut toucher au sublime et qui en même temps est extrêmement hermétique. C'est un film plastiquement extrêmement beau, mais narrativement... qui est extrêmement confus. Non mais attends, on parle de The Assassin là, pas du film des frères Coen. Je pense que c'est il y a des similitudes, mais pour le coup, on est à l'inverse de la vélocité des Coen, on est dans de la lenteur très appuyée. Il y a des soucis vraiment de construction scénaristique sur le personnage de Chouki qui se retrouve au début du film avec sa maîtresse qui l'a formé à ce métier d'assassin et qui lui dit tu te laisses trop dominer par les émotions. Et la fin du film, on te refait la même séquence. Elle n'a pas évolué, il n'y a rien. Le problème que tu avais de mise à distance par rapport à The Revenant, moi je l'ai complètement avec The Assassin. C'est pas le même problème, mais je vois l'idée. Alors pour le coup, il te montre la mise en scène parce que or là, les longues séquences filmées à travers les rideaux qui bougent. Je vois absolument ce que tu veux dire, mais c'est un film qui mène véritablement pour moi au songe. À l'endormissement, on peut dire. Ça dépend du point de vue, mais c'est un film qui est tellement dans l'attrait du détail, dans la beauté des petits gestes. Il y a des moments où j'étais vraiment fasciné, où j'étais les yeux écarquillés, je ne suivais absolument, j'ai rien suivi à l'histoire, je serais incapable de résumer le truc. Et il y a des moments où moi je déconnectais complètement, j'étais les yeux écarquillés devant l'écran, j'étais pas avec les personnages, je suivais pas particulièrement leur parcours, mais tous ces petits détails, toutes ces petites choses, c'est un film qui nourrit l'imaginaire. C'est un film qui est extrêmement exigeant envers son spectateur. Le spectateur doit remplir beaucoup de blancs, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment... à peine suggéré, mais le travail vraiment de mise en scène sur la présence de Chouki, alors qu'elle a 3 répliques dans le film, je crois, elle est tout le temps là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu sur est-ce qu'elle regarde, est-ce que c'est elle, ou est-ce qu'elle est, donc du coup, qu'est-ce qu'elle sait. Mais le film n'est que ça, ça se regarde. Comme Chouki, c'est un film qui se regarde un petit peu, quoi. En fait, je prends beaucoup, je pense, plaisir à la photo, parce que je m'ennuie, en fait, sur tout le reste, et donc je me raccroche à un beau cadre, un beau paysage, un beau choix de décor. Il tombe pas dans le défilé L'Oréal d'un Yang Zimou où on filme les tentures au ralenti dans tous les sens, même si les tentures, il en est question. Toutes les scènes que t'attends, les scènes, tu vas voir quand même un film de chevalerie chinoise pour des scènes aussi d'action. Les scènes d'action, elles sont expédiées extrêmement rapidement. Elles sont souvent montées et filmées sur le même mode, en gros plan très serré, avec beaucoup de sound design. Je sens qu'il l'évacue très fort. Dans la façon de revisiter Wu Xiaopia, j'ai beaucoup plus de plaisir à voir un The Blade de Choi Ark ou Les Cendres du Temps de Wong Kar-wai. Je trouve que c'est des films. Il y avait vraiment un côté extrêmement sensitif, pulsionnel. Les combats sont pas passionnants. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la beauté. C'est la beauté des acteurs, c'est de l'actrice. Quand il y a un combat qui commence, elle finit toujours par s'extraire et par partir. Et je pense que ce qui intéresse aussi à Ossienne, c'est pas le combat en lui-même. C'est un bout de vêtements qui va... qui va tourner. Mais c'est pas que une beauté plastique de lumière, de cadre, etc. C'est vraiment la beauté des choses. Ça dépasse simplement la simple beauté plastique. Ça devient un intérêt du point de vue du réalisateur. Il va s'intéresser pas seulement à la lumière, mais à toutes les petites beautés dissimulées dans le moindre geste. Oui, mais en quoi toutes ces choses-là, la manière de sublimer le moindre petit mouvement, le moindre petit détail, en quoi ça fait écho au parcours du personnage? Le personnage de Chouki est une coquille vide complète. C'est une femme qui est en retrait, qui n'arrive plus, en tout cas, je ne sais pas si elle n'arrive pas, mais elle n'arrive plus à s'impliquer dans les choses, dans ses émotions, etc. À chaque fois, quand il y a un combat, elle se dérobe. Bah, c'est tout le temps, elle est tout le temps là-dedans, elle se dérobe tout le temps en fait, tout le long du film, et d'ailleurs à la fin elle fait un espèce d'aveu d'impuissance et elle s'en va. Il y a un vrai point de vue de mise en scène, mais c'est quand même un film qui risque de laisser quand même beaucoup de spectateurs sur le côté. C'est un film qu'on va pas conseiller à tout le monde, et qui, même moi qui estime aussi Ossian comme l'un des plus grands réalisateurs actuels, il y a certains moments il m'a laissé sur le côté. Il y a des moments où je décrochais, il fallait que ça m'a demandé un effort de re-rentrer dedans à plusieurs reprises. Se pose comme un observateur, comme un témoin de ce qui se passe. Et moi, là, je le trouve assez fort, parce que autant dans Millennium Mambo, dans certaines scènes plus contemporaines dans Three Times, il observe peut-être ce qu'il connaît, un truc ou ce qu'il imagine de son époque, etc. Et là, il fait ça, ou dans celui-ci, sur une époque qu'il n'a évidemment pas connue. La manière dont il pose un regard sur quelque chose qu'il ne connaît pas, par là, il apporte un regard qui lui est vraiment propre, qui est très singulier. Je trouve ça rafraîchissant d'une certaine manière. Donc, pour finir, un petit conseil, peut-être, qui a envie de commencer? J'ai un petit conseil qui concerne les Coen. Ça sera pas un film, ça sera un dossier spécial qui est consacré dans le magazine Empire au film des frères Coen, ou plutôt à la filmographie des frères Coen, où une grande partie de leurs collaborateurs, principalement des comédiens, parle des Coen, de leur manière de tourner. C'est extrêmement, extrêmement passionnant. Bon, c'est à réserver à nos lecteurs anglophones, mais c'est vraiment un numéro, si on passe les trentaines de pages sur le dernier Zack Snyder et tous les films de super-héros. C'est passionnant, c'est savoureux. On apprend notamment quel est le film préféré d'Ethan Coen, qui est un film quand même d'Adrian Lyne qui s'appelle Flashdance. Donc c'est assez jouissif. C'est assez truculent, c'est un peu à l'image des frères Coen, ce mélange d'humour et de côté extrêmement sérieux. Et la couverture, c'est qui dessus? La couverture, c'est... Vous pouvez choisir, je crois. Vous pouvez avoir Superman, vous pouvez avoir Batman. Ok. Bon, mais sinon, trêve de Coenerie. Lucien, toi, c'est quoi ton petit conseil pour le mois suivant? Je vais parler d'un film que j'ai rattrapé sur le tard, sur lequel j'avais plutôt craché au vu de la bande-annonce, et qui a malheureusement subi la comparaison avec un film qui a été considéré par beaucoup comme un grand film, le grand film étant Inside Out, vice-versa, de Pixar. Là, c'est un Pixney, c'est Le Voyage d'Arlo, qui n'est pas un grand film, mais que j'ai trouvé extrêmement touchant, beau. Qui est probablement un des films qui m'a le plus ému, sorti en 2015. Entre autres, je pense à une scène qui paraît grotesque sur le papier, parce que c'est une scène muette où un petit garçon préhistorique et un dinosaure se racontent leur deuil, la manière dont ils ont perdu leur famille, ou en tout cas des membres de leur famille, en dessinant avec leurs mains ou leurs pattes dans le sable. Ça paraît complètement ridicule, mais ça m'a fait verser une larme. C'est vraiment un film qui est passé un peu inaperçu, que moi-même, je n'avais pas envie de voir. J'ai pris le risque et j'en suis bien content. Donc voilà, si vous pouvez faire de même. Soyez aventureux, soyez comme Lucien. Bah après, je ne sais pas si on peut dire qu'on est aventureux quand on va voir Le Voyage d'Arlo, mais voilà. Enfin, moi, j'aime bien la chaîne Ciné70s, donc, qui recueille les présentations de Jean-Baptiste Auré au Ciné-Club d'Enghien-les-Bains. Même si il peut partir parfois un peu loin dans ses interprétations, ses analyses souvent sont quand même assez pertinentes, assez poussées, très précises. Extrêmement connecté avec l'époque historique des films, et ça, je trouve que c'est un des rares qui le fait à ce niveau d'exigence-là, et franchement, ça vaut la peine. La première année, il a présenté 10 films sur sa période préférée, le Nouvel Hollywood. Puis ensuite, il y a eu 10 films sur les films italiens des années 60, enfin 10 présentations sur les films italiens des années 60, puis 10 films aussi hollywoodiens post-Nouvel Hollywood ou un peu dans les marges, dont une excellente analyse de Miami Vice de Michael Mann. Et cette année, c'est un cycle qui est autour de John Ford. Donc un film de John Ford, Donc un cinéaste des années 70, quoi. Un film de John Ford et un film des soi-disant suiveurs de John Ford, des films soi-disant fordiens. Donc voilà, moi je trouve que c'est passionnant si vous avez du temps à perdre quand vous écoutez, quand vous faites la vaisselle ou quand vous faites la cuisine. Avant de clore tout à fait cette émission, vous rappelez qu'on l'a introduite en vous parlant du festival Offscreen de Bruxelles, mais on voudrait pas laisser nos auditeurs français en reste, et donc notre collaborateur, le docteur Redzo, spécialiste du genre et autres bisseries et autres films bizarres, est allé à Gérardmer cette année. Petite descente dans la cave du docteur Redzo. L'ordonnance du docteur Redzo. Petit retour obligé sur ce qui reste aujourd'hui le plus grand festival du film fantastique en France, à savoir le festival de Gérardmer. Alors le film d'horreur, lui, le cinéma horrifique, il est plus subversif depuis longtemps, à l'image d'un jury dirigé par le bonhomme Claude Lelouch, qui a emmené avec lui toute une clique de jurés qui finalement ne connaissent pas grand-chose au genre horrifique. Actuellement, le cinéma d'horreur, il a balancé au travers de productions mainstream tout son lot de frissons, de gore, de jumpscares, et on se demande un petit peu parfois ce qui reste au cinéma d'horreur. Ok, il y a une capacité à faire peur, à dégoûter, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est est-ce qu'il continue à déranger. Alors Gérardmer tente, vaille que vaille, année après année, de faire le grand écart entre un cinéma impulsif, influencé par les schémas narratifs des séries, mais qui sont finalement peu innovants, et des productions qui s'avèrent parfois d'avant-garde. Alors dans la première catégorie, il y a ce fameux Grand Prix, qui est finalement aussi mou que certains des films tournés par le président du jury, à savoir Bone Tomahawk. We won't rescue anybody. Don't be scared. I am a friend. You aren't. Damn you! Bon, il a beaucoup divisé les spectateurs. Pour moi, c'est une scie de plus de 2 heures, réalisée tout à fait honnêtement, mais sans réelle surprise. Sauf la fin qui pourra satisfaire certains fans de bidoche, mais encore faut-il qu'ils ne se soient pas endormis. Ce qui est plus rassurant, c'est qu'il est encore possible de défricher le terrain de nos émotions primitives. Il est encore possible de nous attacher à des personnages. Il est encore possible de briser tous ces codes narratifs. Et c'est pour ça que j'aurais aimé apprécier Evolution. Alors, Evolution, c'est le dernier film de Lucile Hadzihalilović. La photo est magnifique. Manu Dacos, qui nous a offert quelques films grandioses ces dernières années. Le cadre est magnifiquement utilisé, la mise en scène est parfaite, mais le film, malheureusement, selon moi, reste trop hermétique. Il est trop froid, trop distant pour réellement intéresser. Alors, il reste une petite perle qui a quand même remporté un petit prix, le prix Sci-Fi, c'est The Witch. Alors The Witch, jusqu'à l'épure, décrit une magnifique histoire de sorcellerie au XVIIe siècle aux États-Unis. C'est surtout le prétexte pour achever au propre comme au figuré le modèle familial américain. La mise en scène est vraiment millimétrée, c'est un nouveau venu lui aussi, Robert Eggers, qui est derrière la caméra, et le film suscite bien plus qu'un simple frisson. L'ambiance est très noire, c'est vraiment ambiance sorcière de Salem avant l'heure. C'est plus que recommandable, c'est original, c'est esthétique et la fin est, elle, particulièrement bien réussie. Boo! Boo! Gérardmer, quelques réussites, donc beaucoup de déchets, mais c'est vraiment ça le cinéma fantastique, et Gérardmer a l'honnêteté de nous faire découvrir tout ça. Ce qu'on demandera juste aux organisateurs, comme on le fait depuis des années, c'est d'essayer de trouver une solution à notre environnement de cinéphage. Alors, si enfin les salles décrépites du centre-ville pouvaient laisser la place à des salles plus modernes, eh bien, sincèrement, on serait encore plus heureux de revenir année après année pour retrouver nos monstres, nos peurs et nos loups-garous. Merci docteur Redzo, merci à vous d'être arrivé au bout de ce deuxième épisode de Transmission. On se retrouve le mois prochain, mais pour aujourd'hui, that's all folks.